Finalement, on arrive à la fin du sermon. Je pense que je vous ai dit qu'au début du... oui, c'est vrai, mais il nous reste quelques éléments dans le Notre Père que nous allons faire pendant le mois de mois d'avril. Évidemment, la semaine prochaine, on va célébrer le Christ ressuscité ensemble, qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est le poisson d'avril, mais voilà, exactement, oui, c'est aujourd'hui la fête des Rameaux. Et on commence la semaine sainte, une semaine qui est dans le calendrier liturgique et dans l'histoire de l'Église, est une semaine de réflexion, de deuil, de solitude. Et lorsqu'on arrive à samedi, on appelle samedi saint le jour des silences. Dieu est mort. Et dimanche prochain, ça se fête. Parce que Christ est ressuscité. Donc, voici la semaine qui est devant nous. Mais pour nous préparer, nous allons terminer avec le tout dernier paragraphe dans le sermon sur la montagne. Donc, je vous invite de tourner avec moi à Matthieu 7 et on va lire le texte. Et c'est un tout petit paragraphe. Et évidemment, ça coule de ce que nous avons... oui, Martin, tu vas avoir besoin de ta Bible. Donc, ça coule avec ce que nous avons examiné la semaine passée. Mais Matthieu, chapitre 7, et le paragraphe commence. C'est pourquoi. Donc, le c'est pourquoi fait référence à ce qu'on a vu la semaine passée avec les trois petits paragraphes qui forme la conclusion avec les deux sentiers, les deux arbres et les deux discours. Donc, à la lumière des deux sentiers, les deux arbres et les deux discours, c'est pourquoi. Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité qui n'avait pas leurs interprètes de la loi. Donc, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous commençons cette semaine tellement importante dans notre vécu en tant qu'Église et dans l'histoire de l'Église. Et nous voulons nous préparer nous-mêmes en tant que communauté pour commémorer ta mort, le silence de samedi, mais aussi la résurrection de ton Fils d'entre les morts. Donc, Seigneur, dans ce texte ce matin, libère ton esprit pour nous parler, pour que nous puissions encore bien saisir ce que Jésus a enseigné. Mais deuxièmement, Seigneur, comme dit ce texte, nous ne voulons pas simplement écouter, nous ne voulons pas simplement comprendre. Nous ne voulons pas être simplement les savants du texte. Mais Seigneur, nous cherchons à les appliquer. Donc libère ton esprit pour que nous puissions trouver ces points d'application, cette appropriation qui est appropriée pour notre contexte, afin de vivre le sermon. Et Seigneur, nous voulons que toi, tu tires toute la gloire et tout le crédit de ce que nous sommes en tant qu'Église. Donc, dirige-nous et parle-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le texte termine dans le verset 28. Et de façon typiquement Matthieu, à la fin de chaque discours, et comme on a vu dès le début de notre série, il y a 5 discours en Matthieu, le sermon, 5, 6 et 7. Ensuite, le discours en chapitre 10 sur la mission avec la persécution. Le troisième, c'était les récits sur le règne de Dieu, les paraboles. Chapitre 18, comment on vit en communauté. Et finalement, 23, 24 et 25, qui sont presque identiques en mots dans le texte original que le sermon. Et ça, c'est comment on vit en attendant que Jésus revienne. Et à la fin de chaque discours, Matthieu termine le discours avec cette petite phrase, « Quand Jésus eut fini de parler. » Donc, c'est comme sa façon, vous vous souvenez à l'époque, lorsqu'on faisait nos traitements de texte, à un moment donné, ce n'était pas automatique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le texte? Vous vous souvenez? Control F10. En Word Perfect, voilà. Et c'était une façon de sauvegarder le texte. Dieu merci que ça sauve maintenant automatiquement. Mais il y a combien de textes est-ce que j'ai perdu? On ne va pas parler aujourd'hui. Mais voici la façon pour Matthieu de dire, « OK, on a fini le discours. » Mais dans ce discours, ça dit que les foules étaient impressionnées par son enseignement. Mais comme on a vu dès le commencement, le sermon ne s'adressait pas aux foules. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé en chapitre 4, le sermon s'adressait aux disciples, mais il y avait probablement les foules en arrière. Mais lorsque les foules ont entendu, le texte dit qu'ils étaient impressionnés, littéralement abasourdis, dans un état d'extase. Parce que Jésus parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs interprètes de la loi. Et vous vous souvenez, pendant ce texte, Jésus a souvent fait le contraste avec les gens qui cherchaient d'interpréter le Torah à la lettre. Et qu'est-ce qui est plus ennuyant que d'écouter quelqu'un décortiquer le code civil? Ça là, ça c'est plate à mort. Et il y avait des pharisiens, des scribes, des interprètes de la loi qui traitaient le Torah comme aujourd'hui on traite le code civil. Mais Jésus arrivait pour donner une explication qui a les mots qu'on a dit, qui a radicalisé, qui a intensifié, qui est allé au-delà de la lettre pour dire comment suivre Jésus. Et ce matin, on arrive à la conclusion. La semaine passée, j'ai mentionné qu'avec les deux sentiers, les deux portes, ou les deux destinées, si vous voulez, Jésus mettait devant ses disciples la question, comment choisir? Allez-vous choisir la porte grande ouverte avec un sentier large ou allez-vous choisir la porte étroite? Et comme on a vu la semaine passée, cette question était vraiment la question, comment allez-vous lire la Bible? Allez-vous le lire comme Jésus a proposé? Avec les deux arbres, Jésus posait la question, « Qui allez-vous écouter? » Et c'était un contraste entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Ceux qui proposaient une action qui menait à la mort ou à la vie. Donc la question c'est, « Qui allez-vous écouter? » Et avec les deux discours, Jésus a dit, « Et finalement, qui allez-vous suivre? » Et Jésus a dit qu'il y a des gens qui disent, « Seigneur, Seigneur, c'est bien beau, je fais des extases, je prêche, je guéris, je fais des exorcismes. » Mais Jésus a dit, « Ça, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas la confession, mais la confession avec les actions. » Donc la question, la troisième question, c'est, « Qui allez-vous suivre? » Maintenant, d'un côté, on peut dire que le texte qu'on a lu, et la quatrième des conclusions avec deux maisons. Mais d'un autre côté, nous pouvons dire que c'est la conclusion de tout le sermon, si vous voulez, la conclusion des conclusions. Et on peut vraiment dire que c'est un peu différent des trois autres, juste par la conjonction au début. C'est pourquoi. Donc, à la lumière de votre choix, à la lumière de qui vous allez écouter, à la lumière de qui vous allez suivre, maintenant, Jésus dit, c'est pourquoi. Et dans le texte de ce matin, Jésus nous pousse de répondre à deux questions subséquentes. Et la première, c'est, où allez-vous bâtir? Et le deuxième, c'est, comment allez-vous bâtir? Comme vous voyez, comme vous avez entendu dans le texte, il y a toutes sortes de contrastes. Donc, comme Yann a bien expliqué pour nous, tous les différents genres littéraires dans le sermon, on a vu, comme disent mes amis haïtiens, en pile contraste. Okay? Il y a des contrastes, toutes sortes de genres littéraires. On a vu des hyperboles, on a vu des exclamations. On voit des contrastes. Écoutez-les. Un contraste entre ceux qui écoutent, entre ceux qui appliquent et qui n'appliquent pas, entre les sages et les fous, entre le roc et le sable, entre une maison qui a chuté et qui n'a pas chuté, entre une maison qui a une fondation et qui n'a pas de fondation. Dans ce texte ici, c'est bien simple. Une façon, une autre. La première question que Jésus met devant ses lecteurs, c'est son auditoire, devant nous. La première question, c'est où allons-nous bâtir notre maison? Et ce contraste explique le processus décisionnel, la façon de prioriser sa vie. On a le choix entre le roc ou le sable. Et ce choix sur le où représente, selon Jésus, deux vies, deux façons de vivre. Une personne prudente ou une personne insensée. Le sage ou le fou. Ce qui est fascinant dans le texte, j'espère que vous l'avez bien entendu, les deux subissent la même tempête, le même orage. Les mots sont identiques. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Et les deux ont subi exactement la même chose. Mais ce qui a déterminé leur sort, c'est où ils ont décidé de poser la fondation. Et Jésus, je pense, avec cette première question, nous pousse de réfléchir sur les choix. Donc, c'est comme il veut nous ramener à la première conclusion. Parce que nous savons tous que les choix dans la vie déterminent énormément. Hélène sourit. Et nous tous, combien de fois on a dit un jour plus tard, 10 jours plus tard, 10 ans plus tard, si j'avais su, ou si j'aurais fait différemment. Et avec cette première question, et en quelque sorte c'est la question la plus facile des deux questions dans le texte, Jésus nous oblige de prendre une pause. Et de prendre une pause à ce moment dans le sermon pour dire, est-ce que je bâtis sur le roc ou sur le sable. Donc, reculons dans le sermon pour un instant. Avec les 6 antithèses qu'on a vues, quand Jésus a parlé de cette justice qui surpasse, cette justice exubérante qu'on a vue. Et toutes ces 6 antithèses touchent nos relations. Dans mes relations, est-ce que je suis en train de bien bâtir ou de ne pas bien bâtir? Est-ce que je bâtis à la lettre ou est-ce que je vais pour une approche beaucoup plus radicale et intense? Ça nous ramène au chapitre 6. Quand Jésus a parlé de notre argent, de notre communication avec lui, et sur le jeûne, pour ainsi dire dans notre spiritualité. Est-ce que je bâtis ou j'attire l'attention des gens avec les trompettes, ou est-ce que je me retire et dans la solitude et le silence, je bâtis avec Dieu? Il nous ramène à nos possessions en chapitre 6. Est-ce que je bâtis sur Mammon ou sur Dieu? Est-ce que je bâtis dans une recherche sur le règne de Dieu ou est-ce que je fais les choses comme moi je veux, quand je veux, comment je veux? Et pour ainsi dire, la question du choix, Jésus, il nous retire dans le texte pour dire, ah, parce qu'en quelque sorte, la réponse à la première question, c'est « Allons-nous bâtir sur ce que Jésus enseigne, oui ou non ?» Parce que Matthieu continue avec l'idée « Jésus est le roc. » Et comme on a vu dès le commencement, le sermon sur la montagne, c'est sur Jésus. Donc, avec cette première question, où allons-nous bâtir? Il nous invite de réfléchir sur le sermon. Et je pose ça comme question rhétorique, mais on va le reprendre le temps, pendant le temps d'échange. Où allons-nous bâtir? Mais cette première question nous amène à la deuxième question. Parce que ce contraste est dépendant sur le deuxième. Et le deuxième, c'est comment allons-nous bâtir? Il n'est pas simplement de question de choisir le « où », mais de déterminer le « comment ». Et voici ce qui est fascinant avec le deuxième contraste et la deuxième question. Parce que la réponse à la question « comment », cette contraste détermine notre sagesse. Maintenant, démystifions la sagesse pour un instant. La sagesse, bibliquement parlant, c'est de prendre les bonnes décisions pour les bonnes raisons et d'agir ainsi. De prendre les bonnes décisions, ça c'est l'intelligence. Pour des bonnes raisons, ça c'est d'utiliser le discernement. Mais de prendre des bonnes décisions pour des bonnes raisons et d'agir ainsi, ça c'est selon, surtout les proverbes, la sagesse. Et Dieu merci, donne-moi la sagesse. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances dans notre société. Des fois, elle manque du discernement. Mais misère, il n'y a pas assez de sagesse. Et s'il y a une chose qui devrait démarquer nos vies en tant que ceux et celles qui suivent Jésus, ça devrait être, nous devrions être le peuple, un peuple sage. Et c'est ça que Jacques dit en Jacques chapitre 3, de prier pour la sagesse. Et le deuxième contraste dans la conclusion du sermon, c'est ça qui détermine la sagesse. OK, donc de quoi s'agit-il? Jésus dit, les deux personnes, regardez bien, les deux personnes écoutent, entendent la même chose. Verset 24. Celui qui écoute ce que je dis. Et le verset 26. Mais celui qui écoute mes paroles. Donc, les deux ont entendu la même chose. Mais le comment, la personne sage, c'est là la différence. La première personne sensée, sage, les met en application. Tandis que la personne folle, insensée, ne les met pas en application. Jésus dit ici, celui qui a entendu ces paroles de moi. Encore, que fait Jésus? Il nous transpose, il nous transporte, il nous télescope de nouveau dans le sermon. Parce qu'il veut savoir, je pense que vous m'avez entendu, mais allez-vous pratiquer ce que j'ai dit? Donc, quand il dit parole, ça parle de son enseignement. Ces paroles, c'est le sermon. Ces paroles que je dis, c'est cet enseignement du maître. Et je pense probablement que c'est ça qui a vraiment interpellé la foule qui était dans cet état d'extase, qui était abasourdie. Parce que finalement, quelqu'un parlait avec une autorité qui était pratico-pratique. Mais Jésus dit, ça ne suffit pas. J'exige l'application. J'exige l'appropriation. J'exige que vous mettiez en pratique ce que je dis. Donc, la réponse à la deuxième question, comment allons-nous bâtir, n'est pas une question de ce que nous savons, mais il s'agit de ce que nous mettons en pratique de ce que nous savons. En quelque sorte, Jésus est simplement en train de réitérer ce que David a écrit en psaume 143, quand Jésus a dit, quand le psaumiste a invité les lecteurs, aide-nous, il a prié de pratiquer ta parole. Et Jacques, en chapitre 1er, les versets 22 à 25, parle de la personne qui regarde dans le miroir et subitement, elle oublie qui elle est. Mais ensuite, Jacques dit, mais la personne sensée, c'est la personne qui médite, qui persévère et qui est efficace dans son application de l'enseignement. Pour ainsi dire, Jésus est en train de dire, je ne cherche pas les gens qui savent beaucoup. Je cherche les gens qui mettent en application le peu qu'ils ont. La semaine passée, j'ai parlé de mes amis à la radio chrétienne, à l'autre côté de la ligne. Je me souviens, ce n'est pas dans cette revue, mais je me souviens quand je faisais mes études théologiques, il y a un journal anglais qui est très populaire, que ça existe toujours, mais quand je faisais mes études, j'étais en train de le feuilleter et j'ai tourné sur la pub qui était sur le dos, très coloriée, et c'était la publicité pour une Bible d'études. Donc, belle photo d'une Bible en cuillère, on voyait le nom de cette édition. Et le slogan en bas disait « La Bible qui fait les études pour vous. » Ben, comme j'ai mentionné sur mes amis à la radio, j'ai dit à cette pub « Hérésie! » C'est comme si j'avais cette édition. Ce matin, j'aurais pu m'arriver ici, tourner le texte, et c'est cette édition qui aurait fait toutes les études pour moi. Mes amis, cette mentalité fait presque partie de notre code génétique, où nous pensons, si j'accumule les connaissances, ah, là, je vais être un bon disciple. Et Jésus dit, non, jamais de la vie. Donc, deux portes, deux arbres, deux discours, et maintenant deux maisons. Et avec les deux maisons, deux questions. Où allons-nous bâtir? Est-ce que ça va être sur le roc et l'enseignement qui est dans le sermon? Où allons-nous bâtir? Comment allons-nous bâtir? Est-ce que ça va être sur une application de ce que nous avons entendu, oui ou non? J'aimerais illustrer ceci. J'ai essayé de trouver une façon d'illustrer ceci. Et j'ai pensé à quelques acétates. J'espère qu'ils sont clairs. Est-ce que c'est la mise au point clair? Voilà. Peut-être vous connaissez ce bâtiment. C'est le fameux Centre de commerce mondial de Montréal. De Montréal, oui. Sur Saint-Antoine, à Place Victoria. OK? Et pendant plusieurs années, mon bureau était en face de ce bâtiment, sur Saint-Antoine. Et j'ai vu la reconstruction de ce bâtiment à la fin des années 80 jusqu'à à peu près 95-96. Dans la reconstruction de cette partie de Vieux-Montréal, ils ont gardé la façade de cet ancien bâtiment. Mais comme vous voyez, ils ont construit un nouveau bâtiment. À l'intérieur, comme vous allez voir, c'est ultra moderne. C'est à l'intérieur, il y a les arbres, c'est très illuminé, c'est ultra moderne. Et comme vous voyez, c'est 12 étages de bâtiment. Ça, c'est important. Mais c'est une place, pas simplement pour les compagnies qui font affaire internationalement. Pour ainsi dire, c'est une zone de libre-échange pour le commerce dans le plein centre-ville de Montréal. Donc, toutes sortes de bureaux internationaux. Mais il y a, en même temps, il y a la déesse grecque Poséidon avec sa piscine. Et en même temps, il y a ici à Montréal une partie du mur de Berlin qu'ils ont amené pour commémorer la destruction du mur de Berlin. Pour ainsi dire, ce n'est pas simplement un centre d'affaires, mais c'est un lieu public très accessible pour les Montréalais. Mais voici ce qui m'a toujours frappé. Pour monter 12 étages en haut, de garder la façade de ce bâtiment historique, d'avoir toute cette place publique. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû creuser 12 étages en bas. Et ça, c'est le stationnement, 12 étages en bas. Pour avoir 12 étages visibles, il faut 12 étages invisibles. Maintenant, c'est juste des personnes comme moi qui ont dû des fois garer là-bas, qui ont aperçu. Ben voyons donc, 12 étages dans nos grandes villes aujourd'hui, c'est rien. Mille la Gauchetière, le Banque de commerce, CGI, le bâtiment des IBM, place de la cathédrale, dépasse facilement 50 étages. Il ne dépasse jamais la croix sur Montréal à cause du zonage, à cause des règlements municipaux. Donc, 12 étages, c'est rien. Mais à cause de la spécificité de ce bâtiment, les contracteurs et les ingénieurs ont dit, si nous voulons avoir 12 étages qui apparaissent bien, qui accueillent la ville, qui sert aux besoins des entreprises, il faut que nous descendions 12 étages pour garder le bâtiment solide. Et ce texte ce matin, mes amis, nous invite de dire, nous descendons combien d'étages dans notre spiritualité chrétienne, dans notre comportement public, dans notre façon de dire « Seigneur, Seigneur ». Parce que malheureusement, nous avons les gens, nous connaissons les gens qui ont 12 étages de vie chrétienne publique et 1 mm de profondeur. Et qu'est-ce qui arrive? Quand il pleut, quand il vente, tout d'un coup, on est ébranlé. Et ce qui nous distingue, ce n'est pas ce qui est public, ce qui est connu. Combien de livres nous avons dans nos bibliothèques? Combien de sermons on a entendus? Combien de fois on dit « Seigneur, Seigneur » Mais le temps qu'on passe pour creuser et pour poser la fondation. Et de poser cette fondation, c'est de dire constamment, est-ce que je mets en pratique ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'ai étudié? Et une question que je me pose souvent, et je me pose à moi-même, est-ce que je suis éduqué au-delà de mon niveau d'obéissance? Et ce texte ce matin nous pousse à poser la question, est-ce que j'applique ce que je sais? Est-ce que je veux descendre? Maintenant, c'est évident, le plus facile, c'est de nous réjouir dans le public, dans ce que nous savons, dans ce qui est vu. C'est bien beau d'aller au Centre de commerce mondial de Montréal et de se réjouir dans la place publique. C'est le fun de venir le dimanche matin, de chanter, d'écouter. D'aller dans les grands rassemblements, les conférences, d'écouter les CD, d'écouter des messages. Mais sommes-nous prêts de descendre et d'approfondir notre application de ce que les textes disent? Donc Jésus termine le sermon en posant la question, où allez-vous bâtir? Donc il nous ramène dans le sermon de dire, ah, est-ce que j'ai trouvé ma fondation en Jésus? Et par la suite, il pose la question, comment allez-vous bâtir? Avec cette invitation d'appliquer ce que nous avons entendu. Je pense que notre plus grande crainte, Yann, Michel et moi, et ceux qui ont participé dans la série, c'est que maintenant on va dire, « OK, on a fait le sermon, next! » Non, la conclusion, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a entendu? Donc, ma question en conclusion, ce matin pour notre temps d'échange, qu'est-ce qui a piqué votre curiosité pendant les 8 derniers mois. Qu'est-ce que vous avez entendu? Et aussi, qu'est-ce que nous allons faire avec ce que nous avons entendu? Ça peut être une question rhétorique, mais je le lance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'appliquer les textes, d'appliquer ce que Jésus dit? Comment approprier son enseignement? Je vais revenir à mon illustration ici pour moi-même dans un instant, mais je lance la question. Qu'est-ce que ça veut dire d'appliquer ce que nous avons entendu? Est-ce que l'application est un défi pour vous? Tout un. N'oubliez pas, le sermon s'est adressé à une communauté de disciples. Les 12 étaient là. Maintenant, j'ai invité une réflexion individuelle. Mais le sermon s'est adressé à une communauté. Donc, la communauté est invitée de faire la même réflexion que nous faisons individuellement. Parce que n'oubliez pas, juste parce que la communauté individuellement décide, OK, on va passer du deuxième étage au quatrième étage, ça ne veut pas dire que la communauté va approfondir. Il était tellement facile dans notre tradition de définir la profondeur par les activités. L'Église, lecture, prière, évangélisation, ralliement. Check, check, check. Ah, bon, j'ai toutes les... Je suis une personne profonde. Et, comme pas pour spotter la tante de Yann, parce que moi, j'ai aussi des tantes et des oncles, et même en moi, je sais qu'il y a un petit nati. OK? D'engueuler les gens. Mais j'ai fait toutes mes activités. Donc, il y a une introspection, et j'utilise ça dans la bonne façon, d'une bonne façon, qu'il faut faire collectivement. Sommes-nous prêts de passer de la première étage en bas au troisième étage et de rechercher cette spiritualité authentique que plusieurs d'entre vous avaient mentionnée? Qui veut dire que dans la communauté, nous allons nous encourager mutuellement. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons nous réunir pour nous encourager et pour prier. Nous allons faire face à nos blessures. Et en faisant face à ces blessures, de cheminer ensemble. Qui veut dire? Vous vous souvenez dans le texte? Le texte utilise, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble. Et c'est la même chose pour la personne sensée que pour insensée. Mais une chose que j'ai découvert cette semaine que je n'avais jamais vue auparavant, et c'était comme un feu rouge dans le texte. Le verbe ici, pour ressembler, c'est une formulation assez particulière. C'est presque impossible de le traduire en français. Mais si on le traduit littéralement, ça se dirait que celui qui écoute ces paroles de moi et les met en pratique sera assimilé à. Maintenant, ça ne se dit pas en français. Cette personne va devenir comme. Pour ainsi dire, ce n'est pas un verbe à l'indicatif, ressemble, mais c'est un verbe au futur, mais c'est passif. Et pour cette raison, c'est intraduisible en français. Parce qu'on n'a pas de verbe au futur passif en français, ou il n'y en a pas beaucoup. Pour ainsi dire, je peux écouter sans rien faire. Et aujourd'hui, on peut quitter en disant, ben, c'était un bon partage. Next. Mais le texte implique par ce verbe que, de fil en aiguille, graduellement, ceux qui écoutent et ne pratiquent pas, par la force des choses, deviennent. Pour ainsi dire, le texte met un accent sur le processus. Et c'est là où nous sommes confrontés. Qu'est-ce qu'il y a dans notre façon d'apprendre, dans notre apprentissage, dans notre processus spirituel, où nous avons développé certaines habitudes qui font en sorte que nous sommes contents de vivre simplement à un étage en dessous de la surface, plutôt d'avoir une fondation basée sur Jésus, sur le roc, dans le serment. Le sermon termine avec ce qui était implicite dès le commencement. Il y a une exigence à la soumission radicale, à la seigneurie exclusive de Jésus. Celui qui accomplit la loi et les prophètes, qui va au-delà de la lettre pour chercher cette intensification radicale envers Jésus. Cette personne, elle vit dans une obéissance, dans une justice et dans la vie du royaume. Mais malheureusement, malheureusement, le sermon met aussi en évidence le contraire. Et souvent, on aime le positif. On n'aime pas le feu vert, le feu rouge dans le texte. Parce que le texte dit, sinon, c'est une vie de rébellion, d'égocentrisme et d'une écarte éternelle de Dieu. Imaginez, ce texte dit qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui entendent la parole. Mais qu'est-ce qui arrive? Donc, le jugement dans ce texte est aussi pertinent. Il faut qu'on l'écoute. Donc la question c'est, est-ce que je veux vivre une obéissance, une justice et une vie dans le royaume de Dieu? C'est en basant sur le roc et en appliquant ce qu'on entend. De cette façon, je serai assimilé à la vie de Jésus. Mais c'est personnel et aussi corporel. Je me suis rendu compte dans mon propre cheminement. Je suis énormément reconnaissant pour un groupe d'amis qui m'ont constamment poussé d'appliquer. Et ils m'ont défié. Et ils m'ont dit, Glenn, sois pas content de vivre au cinquième étage. Creuse. Et des fois, c'est pénible, mais creuse. Et mes amis, à vous ce matin, je nous dis, creusons. Pour que nous soyons une communauté qui écoute chaque dimanche, chaque jour, mais qui en même temps dit, mais nous allons appliquer ce qu'on entend. Oui. Lis, c'est ça. Lis et entend. Oui, c'est ça, exactement, bien dit. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce texte qui m'a tellement interpellé depuis 8 mois. Merci pour ce que moi j'ai appris. Et merci pour la façon que tu m'as poussé de rechercher cette justice exubérante. Cette justice qui, dans mes relations, dans ma relation avec toi, avec mes possessions, où j'opte toujours, par ta puissance, d'être l'homme que tu veux que je sois. Et j'ai pris la même chose pour mes sœurs et mes frères ce matin. Donc, Seigneur, va devant nous. Continue de nous façonner par ton esprit. Et en même temps, Seigneur, nous prions pour notre rencontre cet après-midi, pour les rapports que nous allons entendre, pour les décisions que nous allons prendre. Dirige-nous. Parce que nous voulons que toi, tu tires tout le crédit et que ton nom retentit de nous, ici dans notre arrondissement. Au nom de Jésus. Amen.